d'Armoricain a fait du parc d'Armorique une réserve d'Armoricains. Ils ont des chapeaux ronds, les Bretons typiques. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. De l'inauguration, il y avait les ministres bretons, Marcelin et son penbos, et plevés nombreux gouvras. Ils ont des chapeaux ronds, les bretons typiques. Ils ont des chapeaux ronds, vive les bretons. Voilà les touristes qui viennent manger des crêpes en auto. Ils causeront aux indigènes, ils sauront dire qu'est la peau. Ils ont des chapeaux ronds, les bretons typiques. Ils ont des chapeaux ronds, vive les bretons. Les petites parisiennes en short viendront danser la gavotte et donneront des cacahuètes aux bretons en bout de couette. Ils ont des chapeaux ronds, les bretons typiques. Ils ont des chapeaux ronds, vive les bretons. Oh là là, qu'est-ce qu'on a de la chance, le clou du parc d'Armorique, c'est la merveille de la France, le sous-marin atomique. Ils ont des chapeaux ronds, les bretons typiques. Ils ont des chapeaux ronds, vive les bretons. Même la faune a son folklore, il y aura des bisons et des loups. Heureusement que les dinosaures s'acclimatent pas bien chez nous. Ils ont des chapeaux ronds, les bretons typiques. Ils ont des chapeaux ronds, vive les bretons. Quant aux jeunes de ce coin-là, ils peuvent bien foutre le camp. Pas loin on leur tend les bras, à Saint-Cyr, Coëtquidan. Ils ont des chapeaux ronds, les bretons typiques. Ils ont des chapeaux ronds, vive les bretons.